Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge, et DS Connected Pilot ouvrant la voie à la conduite semi-autonome, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Plus d'informations sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 7 mai 1915. Exactement Raphaël, nous sommes au large de l'Irlande quand va sombrer le RMS Lusitania, un navire britannique qui transportait 1959 passagers. 1198 vont disparaître avec le gigantesque paquebot. Terrible catastrophe. Mais dites-moi, si mes souvenirs sont bons, il a été attaqué, ce paquebot. Tout à fait, il a été coulé par la torpille lancée d'un sous-marin allemand. On est en 1915, au cœur de la Grande Guerre. Le Lusitania était parti de New York sous pavillon britannique. Les passagers étaient donc conscients du danger. On leur a dit avant leur embarquement que des navires anglais pouvaient être des cibles. Du reste, l'Allemagne a prévenu, c'est à vos risques et périls. Donc, ça signifie que les Allemands ont sciemment tué plus de 1000 civils. Alors, en fait, c'est plus ambigu que cela. Ce 7 mai donc, à 14h15, un passager remarque à tribord des remous. C'est une torpille qui vient frapper le navire à l'aplomb de la passerelle et qui provoque bien sûr une forte détonation. Or, et c'est tout le nœud de l'affaire, va bientôt survenir une seconde détonation. Sur le moment, on n'a pas vraiment le temps de s'inquiéter, car en un quart d'heure seulement, le Lusitania va couler. Et ça, bien entendu, le sous-marin allemand ne l'avait pas prévu. Son capitaine, Walter Schwieger, est littéralement stupéfait de ce que lui révèle son périscope. C'est tout de même bien lui qui a fait tirer la torpille. Oui, c'est lui, mais normalement, une seule torpille n'envoie évidemment pas par le fond un grand paquebot. En vérité, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le Lusitania transportait tout un stock de munitions et que c'est ce qui a fait couler le navire. De là à imaginer que les Britanniques ont de surcroît facilité la catastrophe pour faire pression sur l'opinion américaine, disant en tout cas que ce naufrage a pesé lourd dans l'entrée en guerre des États-Unis. Toujours encore des manipulations, me direz-vous. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, nous évoquerons le grand cinéaste Pasolini.